bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Franquette encore. Alors c'est le quatrième techniquement, mais en réalité on va le poster en tant que troisième, puisqu'on avait envie de faire un podcast spécial Halloween. Du coup on s'est réunis ce soir en charmante compagnie, puisqu'évidemment il y a toujours Rob, il y a toujours Vincent, mais on accueille deux charmantes demoiselles qui vont tout de suite se présenter, en commençant par Eléa. Ok. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Eléa. Ah, elle sort. Attends, faut que je me rapproche parce que je suis petite, du coup je suis loin. Du coup, je m'appelle Eléa. Je fais des études de poésie en poésie. Bah ça c'est bien. C'est en pas poésie. En pas poésie. Des études de poésie en pas poésie. Ouais ouais. Alors ça paye bien ça. Ouais, ça paye très bien. C'est faux. Ça paye des études. Si, complètement. Ça paye pas les études. Bah si, bah là oui, il y a tellement peu de monde qu'on nous paye pour faire ça en fait. Ok. Ouais. Oh, bien joué. C'est bien vrai. Ouais, et oui. Voilà. Et okay. On est avec Emilia qui va tout de suite se présenter. Alors moi, je suis imitatrice de David Lafarge Pokémon. Alors, je fais que les introductions de David. Ok, bah c'est parti. 3, 2, 1. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Oh bravo. Elle a le truc, putain, c'était bien fait, bien vrai. Et Miss Jirachi ouais, aussi. Donc je gagne ma vie en faisant ça et le coucou de Miss Jirachi. On a explosé le livre, le volume des micros est complètement arraché. Ouais. Du coup, voilà, épisode spécial Halloween, toujours. Avec les guests réguliers, les bons, les grands, les beaux, Roberto. Hello everybody, my name is Arab. Ok. Ce qui veut dire salut à tout le monde, et je m'appelle Roberto. Toi tu es bien Roberto, genre aka Arab. Et en fait je travaille dans, je suis chauffeur de fourmis. Fourmis qui sont uniquement droitiers. Qu'est-ce que t'as avec les directions, c'est hallucinant quand même. C'est un fétiche, c'est ça. Et puis voilà, de temps en temps je fais Uber de un peu genre je monte en gamme, on va dire. Ouais. J'ai un tuk-tuk. Ok. Qui est poussé par des. Qui est bah, poussé par des. Par des, des. Voilà. Yes, exactement. Des voilà. C'est... Il a, bah, il des a, fourmis. C'est la personne qui m'écoute. Là, la personne qui m'écoute, elle c'est a elle qui te pousse. Mm-hmm. Ah non, c'est, elle a la référence. Donc vous-même, vous savez. Mm-hmm. TMV. VMVC, VMVS. Toi-même, tu sais que je sais que tu sais. Ok, bien. Yes. Bah, c'était étrangement complexe. On va passer donc à Vincent. Bonsoir à tous. Moi, je suis éleveur de transport en commun. Donc, les bus et tout, quand ils sont tout petits, moi, je les nourris. Je fais en sorte qu'après, ils grandissent, ils soient aussi gros qu'on les connaît, quoi. C'est beau, putain. Ouais, et je suis là dès le berceau. Voilà. Alors, est-ce que ça demande de l'entretien, un bus ? Bah oui, déjà, je te raconte pas l'accouchement parce que c'est pas super beau à voir. Oui, mais ça doit pas faire 20 mètres quand. Bah non, quand ça vient non, au monde un bus. D'ailleurs, comment ça vient au monde un minibus bus. Bah ça vient au monde en minibus. Ça sort okay. En tant que minibus. Ok, ah oui, dur. Tu vois. Donc, très très dur. Finalement, les minibus, c'est un peu du travail d'enfant, quoi. Ok. Donc c'est pas super propre. Je suis content qu'on n'ait pas trop ça en France. Ouais. Ça, il faut souligner, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais les minibus, c'est les nains des bus, en fait. Non, c'est les bébés bus. C'est des enfants bus. C'est les nains, en fait. C'est genre, des nourrissons. Il peut, y en a aussi, des nains bus. Okay. Des nains bus de ville. Oh, la blague. Ok. Et comment ça se passe, alors, du coup, l'accouplement entre bus? Parce que si ça naît, il faut bien que... Bah, j'ai jamais assisté à ça et je préfère pas voir ça. Parce que c'est en élevage et tout. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ils sont tous dans une terrible. Clairière à fornique. Salmon. Ah, okay. Il y a aussi une maladie qui est venue qui s'appelle le Dassy, en fait. C'est le... Quoi? C'est qui était un rapport sexuel entre l'homme et la voiture. Ah oui! Qui a fait le... Effectivement, oui. Il y a ce fétiche d'hommes, et ça doit exister aussi de femmes, j'imagine, de gens qui fantasment sur les voitures et qui font l'amour à des voitures. J'ai entendu parler d'une femme qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. Ah, oui, yes. Merci. On a les mêmes refs étranges. Tous les gens qui regardent What the Cut connaissent, yes. Effectivement. Je suis mariée avec la Tour Eiffel, forcément, parce qu'il en parle. Waouh, ok, très bien. On va donc terminer cette boucle. Et moi, personnellement, je suis culturiste professionnel et je pense que tous les gens autour de cette table peuvent en attester. Non, c'est faux. Non, c'est extrêmement faux. J'ai très peu de muscles, mais c'est en bonne voie. On y travaille notamment avec Eléa, yes. Qui est, en plus d'être poète en Papouasie, la fille directe d'Arnold Schwarzenegger. Et c'est une vraie anecdote. Non, c'est faux par rapport au deuxième podcast. Non, c'est il faux. Est juste, il, est juste, pas il est juste jaloux parce que il a moins de muscles que moi. Exactement, exactement. Et tous les soirs, je pleure par rapport à ça. Ouais, c'est d'ailleurs sais. Mon métier. Je ouais. pleure de manière professionnelle. Du coup, le concept de. Je pleure à votre place.com. Je pleure à votre place.com. Je peux envoyer des barquettes de pleurs, plus ou moins salées, en fonction des saisons, voilà, aux gens que vous désirez. Le concept de ce soir, c'est qu'on va tous raconter une histoire qui est vraie ou fausse, une histoire d'horreur, une histoire qui fait un peu flipper sa race. Est-ce que je peux dire le contexte ? On est quand même à une table avec des bougies dans le noir ouais, on a et avec énormément de bonbons, quand même. Exactement. Par exemple, ça, c'est vrai. Voilà, ça c'est un papier de bonbon. Directement, c'est une tête brûlée que je prends parce que je suis un peu un fou. Ça, c'est un nounours Haribo. Non, mais ça fait pas de bruit. Ah, bah ça fait pas de bruit. Aucun bruit, aucun bruit. Très peu démonstratif, très peu démonstratif. Du coup. Et ça, c'est. Bah c'est rien. C'est rien, c'est les doigts de Roberto. Des doigts qui valent de l'or, attention quand même. Donc on va en prendre soin. Qui veut commencer ? Honneur aux femmes, j'ai envie de dire ? Non. Ok, non. Moi je commence. Ah, tu veux commencer ? On me fait signe que non. Ah, Emilia relève le défi, Emilia. C'est ton moment. Exactement. Tout le monde a les yeux rivés sur Emilia, c'est à toi. Merci, la pression. Alors, je vais raconter un rêve que j'ai fait quand j'étais toute petite. Alors, déjà, je vais placer le contexte. J'avais genre 10 ans et je faisais des rêves extrêmement bizarres et extrêmement glauques. T'en fais toujours des rêves bizarres et glauques. Oui, j'en fais toujours d'ailleurs. Mais j'avais 10 ans, donc pour cet âge-là, c'était trop bizarre. Et aussi, je n'osais pas me lever pour aller voir mes parents pour me rassurer. Je restais toute seule en noir. Ah, chialer. Elle a levé la lumière. Elle a levé la lumière. Donc, tu te torturais toi-même, ouais. Ah oui, ah non, mais moi, je me disais, voilà, il ne faut pas avoir peur, quoi. T'as fait le Vietnam, d'ailleurs, on peut le dire, ça. Oui, exactement. La guerre du Golfe aussi. J'ai combattu. Alors, est-ce qu'on s'en sort de ça, un jour ? On arrive à les flashs de la guerre et tout, est-ce que ça part ? Alors, c'est très, très dur, mais... Honnêtement, dans la rue, j'ai l'impression qu'on me suit et tout, que je vais me faire attaquer. Mais une certaine paranoïa ambiante, quoi. Exactement. Ouais, d'ailleurs, même buisson. Ici, je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Moi, j'ai vécu la croisade et je te dis, mec, waouh. Les croisades. Ouais. Je sais pas comment ça se dit, mais. Mais il l'avait. Attends, il n'y a pas eu plusieurs croisades. D'où les croisades, je pense. Les croisades, ouais. Ok, très bien. Bref, donc. Alors, ton histoire. Commençons. Alors, donc, j'avais quand même 10 ans. Donc dans mon rêve, je suis allée faire les courses avec mon papa et c'est un peu effrayant. Non, pour l'instant non, ça va. C'était dans un magasin que je ne connaissais pas et en fait donc je rentre et je vois une armoire transparente avec une poupée dedans, avec marqué surtout ne pas ouvrir l'armoire avec la poupée assise. Ouais, déjà le, ça déjà c'est là ça pose ça sent le la possession. ça fait peur déjà. Parce que moi vraiment les poupées ça me faisait vraiment peur. Ça a changé? Non, c'est toujours le cas. Et en fait, moi, vu que j'étais super curieuse et que je suis toujours super curieuse, et ben j'ai ouvert l'armoire. T'as invoqué Satan directement en disant pourquoi pas. Je me suis dit, fuck la vie, fuck Satan. Il y avait une table de Ouija posée, t'as fait Bloody Mary. Exactement. Elle a toujours été rebelle. Momo raconte mon histoire, tout ça. Ah bah voilà. Et enfin bref, donc voilà, je joue avec, on s'en fout. Je remets la poupée dans l'armoire, je la referme à ma clé comme si c'était rien passé et tout. Et j'essaye de chercher mon père. Attends, mais c'était dans un magasin ça ? Dans un magasin, ouais. Donc vraiment, alors, tu t'es servi directement dans... Ouais, je sais pas, c'était une vieille armoire. Ok. Et du coup, donc je vais chercher mon père et à chaque fois, à chaque fois que je me retournais, je sentais... Une présence. Une présence. Non. Et à chaque fois que je me au moment où j'ai vu mon père, je me suis retournée et elle était là. Et à chaque fois que j'avançais avec lui dans le magasin et que enfin voilà, on achetait des trucs et tout ça, à chaque fois que je me retournais, elle était tout le temps derrière moi, mais elle bougeait pas. Hein. La présence, elle était juste debout. Ou la poupée. Non, la poupée, elle était là. Elle était debout. Derrière moi. Donc non. Elle me suivait. Mais ça veut dire qu'elle était sortie de son. Oui, j'avais fermé la clé et elle était là debout, okay. Elle me regardait. Et du coup, au bout d'un moment, forcément, en fait, quand t'es un enfant... Tu es la scénariste de Annabelle, finalement. Ouais, en fait, c'est ça. Oui, mais... T'as vu le film Annabelle. Exactement. Et tu t'es dit, mais en fait, je vais voler cette histoire et le raconter. Mais on l'a tous vu. On l'a tous vu. Mais l'inverse, parce qu'elle était plus... Non, parce que c'est pas fini. Ah. Et là, c'est une anecdote vraie. Ou Vross? Vross, c'était Vross. Ouais, mais là je dis Vross. Ouais, mais elle a pas vu parce qu'elle est pas, c'est pas une fan pas. De l'émission. Ah non, je suis désolée, hein, moi je. Et alors, est-ce qu'on peut arrêter l'atelier pyromanie à l'autre bout de la table, s'il vous plaît? Parce que ça m'aide. Donc, et ensuite, donc forcément, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une poupée qui nous suit? On dit, ah papa, regarde, il y a une poupée. Et on finit en hôpital psychiatrique. Elle n'est pas là à chaque fois qu'on veut lui montrer. Et ça s'est fini, en fait c'était un rêve en deux parties, donc il y avait cette partie avec la poupée où Je suis rentrée chez moi et même dans la voiture, à chaque fois que je regardais derrière moi dans la route, elle était là. Mais ça s'est jamais terminé. Et, ensuite, c'est parti sur une deuxième partie du rêve où c'était avec ma mère. Ok, j'avais un truc avec mes parents, je sais pas pourquoi, mais c'était avec ma mère qui était possédée par... un reptile, je sais pas comment dire, mais elle avait en fait, c'était comme un virus qui infectait les gens et leurs yeux devenaient reptiliens avec une langue de voilà. Et je voyais ma mère comme ça qui essayait de me tuer. Donc, un lézard, ta mère était un lézard, yes, juste les yeux et la langue. Alors, sinon, elle était normale, ok. Flippant ou pas, ça, du coup? Ah, c'était comme expérience. Non, mais imagine, tu rêves de ta mère qui a des yeux. Des yeux de serpent et une langue de Moi, dans la réalité, elle est comme ça. Oui, mais quand t'es petit, quand t'as 10 ans et tout ça. Ouais, flippant. Ouais, flippant. Et du coup, après, tu vois putain maman de la même manière. Ok, et du coup, alors, fin mot de l'histoire, mon cerveau, il est extrêmement bizarre. Ok. Parce que j'ai fait un rêve extrêmement bizarre. D'accord, c'était ça. À 10 ans, alors, du coup. Ouais. Ouais, ça doit être flippant quand on se réveille de ça. On doit se dire, what the fuck is going on? Surtout qu'apparemment, je faisais peur aussi. À mes parents la nuit parce que j'étais somnambule. Alors j'ai aussi plein de trucs à raconter là-dessus. Ah mais oui, je pense que je peux pas tout raconter, mais en gros. Si, l'anecdote où tu marchais au plafond, les trucs comme ça. Ouais, voilà. Ta tête a fait un 360. Ou alors je marchais. Où tu disais, je vais tous vous buter, bande de salopards. Et puis je vomissais litres de trucs. Vraiment l'exorciste. Voilà, exactement. Clairement, là on part sur un enchaînement de films d'horreur. En fait, vraiment, voilà, t'as pris un scénario un peu partout. Voilà, je prends des films d'horreur et je les mixe et je dis. Un mash-up de films. Magnifique. Un match-up. Très beau terme. Un match-up. Écoute, effectivement, à 10 ans, ça doit être assez flippant de rêver un truc comme ça à 10 ans, je pense. Mm. Voilà, je sais pas ce que Elia en pense, tu sembles perplexe. Ah ouais, non, si, ça doit faire super peur. Moi, je sais que ma petite sœur faisait ça, donc c'était grave flippant. De quoi, le somnambulisme? Non, ouais, somnambulisme. Ah, le somnambulisme. Non, ma sœur, directement, elle s'habille en marionnette. Elle voyait des poupées. Elle est là. Non, mais elle suivait les gens dans les rayons des magasins. Avec un couteau et tout, après elle bougeait plus. Non, c'est très beau hobby, très beau hobby. D'ailleurs, le truc de... D'ailleurs, c'était sa sœur. C'était sa sœur, en vérité. Mais il y a un film d'horreur sur le fait que, tu sais, il y a une statue qui, que quand tu la regardes, elle peut rien te faire, mais quand tu la regardes... Oui, mais c'est pas la momie avec les trucs de serpent, là. Non, non, non, mais, c'est... Tu veux dire Médusa? Non, mais il y a un épisode, je crois, de Doctor Who, comme ça, je crois, ou un truc comme ça. Ou alors c'est American Horror Story, je sais plus. Mais il y a des jeux vidéo où ce principe existe beaucoup, là. Ça fait extrêmement peur, parce que quand tu regardes cette personne, cette chose... Elle bouge pas. En sécurité, mais dès que tu te retournes, tu te dis dans le dos et tout. C'est clair. Ça qui est flippant. C'est l'inconnu en fait. Dans tous les cas, même les trucs de paranormal et tout ça, des esprits, c'est juste le fait de l'inconnu. Ok. Bah effectivement, ça doit être bien flippant une expérience comme ça à 10 ans. 1, 2, 3, et Léa, peux-tu nous faire une poésie sur cette histoire d'horreur story? Non, j'ai grave la flemme. Vas-tu quand même être payé, même si t'as la flemme? Tu peux faire quelques rimes quand même. Bah c'était... Allez, deux rimes. Allez. Mais j'ai pas le... Une rime AA. Juste une rime AA. Avec Emilia. Tu places deux rimes, pendant l'histoire, quand tu veux. C'est loin de... Allez. Avec des « et », c'est facile. sur le truc, là? Oui. Non, sur ton histoire. Sur mon histoire ou sur... Non, sur son histoire. Sur mon histoire. Ok, ouais. Bah attends. Et tu vas en faire une sur chacun de nous. Yes. Parfait, j'aurais jamais dû dire que j'étais... Maintenant, regarde. Je le déteste. Surtout que je ne sais pas. C'est bon, t'as fait une première L. D'accord, merci de m'enfoncer encore plus. C'est vrai que t'as de moins en moins d'excuses. Plus le temps passe, plus tu es au pied du mur. Là, t'as plus d'excuses, vraiment. Genre, l'inspi, ça vient d'un coup. Tu lis tout le temps. Ouais, mais j'ai pas d'inspi. Très bien. Surtout, c'est... Alors, fais une rime sur le fait que t'as pas d'inspi. Très belle histoire d'Emilia. Waouh, quel brouhaha. Voilà, c'était tenté. Même j'aurais encore chat, préféré ne rien entendre. Si, c'était tenté. Merci. Ça mérite applaudissements pour toi. Je pourrais raconter mon histoire, par contre, si vous voulez. Ah. Okay. Ah, là, t'es inspiré, là. Là, bof. Alors, attention, parce qu'elle nous l'a vendue comme la meilleure histoire qu'on ait jamais entendue. Ouais, c'est absolument faux. J'ai l'impression que vous êtes tous contre moi, que ça se passe comme... Fallait pas être la plus musclée de la table. D'accord. C'est vrai, on est obligé de compenser. Physiquement, tu nous bats tous, donc... Ben moi, je vais raconter un... je vais raconter une histoire. Enfin, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé, une expérience. Excuse-moi, Ella, mais tu sembles malade. Ouais, je suis malade. Ouais. Ça se voit, je parle avec lui. Oui, ça s'entend. Ça s'entend et ça se voit, mais vous pouvez pas le voir. Enfin, du coup. Tiens, tu peux te moucher. Merci. D'accord. C'était clairement Rob qui se donne le rôle. Du coup, c'est une expérience que j'ai eue aussi à 10 ans. C'était lors d'un voyage dans les Caraïbes. Donc, je pose le contexte. On était... Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y a des regards qui s'échangent entre les deux, là. C'est clairement les dents de la mer, en fait. Non, si, c'est ça que tu racontes. Non, tu vas voir. Ok, surprends-moi. T'inquiète, je vais te surprendre. Du coup, en fait, on était partis dans les Caraïbes et on faire les Grenadines et toutes ces petites îles en dessous de la Martinique en bateau, en catamaran avec ma famille. Et du coup, on avait généralement des traversées de 6 à 12 heures entre chaque île. Et donc, tout se passait bien. Il y avait un grand calme. Aucune terre à l'horizon, mais un grand calme. Il n'y avait pas de problème. Et le problème, c'est qu'on avait... Il y avait un petit boîtier qui indiquait le nombre de mètres en dessous de nous, le fond, la profondeur. Et je me souviens que ma maman me disait toujours qu'il ne marchait pas. Ce qui était, en fait, pour me faire déstresser, puisqu'en fait, il marchait très, très bien. C'est juste qu'il y avait beaucoup trop de fond et qu'il ne captait plus. On était à plus de 7 km de fond. Ce qui est assez énorme, on est d'accord. C'est énorme. Vous étiez à 7 km de fond? Non. Donc sous l'eau, vraiment, non, à 7 km sous l'eau. C'est ça, ouais. Incroyable. Non, en dessous de nous, il y avait 7 km de fond. Elle me disait ça parce que j'avais peur, j'ai toujours peur d'ailleurs du fond. C'est vrai que c'est flippant, c'est ultra flippant. Tu ne peux pas savoir que tu es en dessous. Et du coup, voilà, en fait, c'était une expérience pour moi super dure parce qu'en soi... Oui, merci. Rob m'écoute pas. Rob me montre des trucs sur son portable. Non, mais en fait, Rob, il vient dans les podcasts. Il vient parce qu'il y a de la lumière, il mange, après il se casse. Alors, elle a très bien dit que voilà, elle avait peur de tout ce qui est vide, on va dire, mais dans la mer. Ouais. Dit, le vide dans la mer. Oh là là. Et puis, elle passait et que sa mère lui a dit que là, elle était à 7 km de. Non, justement, sa mère ne lui a rien dit parce qu'ils étaient au moins à plus de 7 km. Ouais, elle t'a rien dit? Non, elle me le disait pas. Non, vraiment, t'as rien écouté, quoi. Le pire invité, plus on l'invite à chaque fois, lui. Je sais pas ce qu'il se fait exprès. Mais du coup, elle me le disait pas, et Attends, juste stop. Tu le pensais quand t'as dit que tu veux plus m'inviter? Non, j'ai dit pourquoi on t'invite à chaque fois. Bah, alors tu pensais vraiment? Bah, personne n'a donné de réponse. Ça va partir en mail. Moi, j'ai pas répondu. Non, mais j'ai rien contre les minorités, Rob. Si c'est ça qui te... C'est pas parce que t'es libanais, hein. Absolument pas. Pense pas à pleurer. D'accord, nickel. Le bisou. Du coup, voilà, j'étais toujours un minimum stressée sur le bateau parce que, en fait, on va dire que quand t'es en pleine mer et que t'es tout seul et que t'as 7 km de fond en dessous de toi, ouais, t'es pas serein tout le temps, en fait, on va dire. Et du coup, en fait, au bout de 3 heures de traversée, on a sur le GPS, sur le boîtier, qui nous indique le temps à venir, qu'il y a un grain. Donc, un grain, c'est une tempête. C'est une tempête, mais en langage, tu sais, des gens... De sable, une tempête de sable. Non, c'est une tempête d'eau. Ouais, en langage marin, c'est une grosse tempête. Et en fait, on s'était dit qu'on allait peut-être pouvoir la contourner. Mais du coup, c'était en plein milieu. C'était pile au milieu entre les deux îles. Donc là où, franchement... Enfin, isolé, quoi. Ouais. Et du coup, ils essayent de la contourner. Mais finalement, elle est trop grosse et on ne peut pas la contourner. Du coup, on est obligé de traverser la tempête. Et du coup, là, tu rentres dans le bateau. C'est un petit catamaran. Alors, il faut savoir qu'un catamaran, ça se retourne très, très facilement. Et après, quand c'est retourné, bah, c'est mort. Ça coule très vite. C'était une traversée de combien de temps? C'était une traversée de 7 heures. Ah, et, oui, du coup, on prend le grain. Et mon parrain, qui était le capitaine du bateau, il nous met à l'intérieur. Et du coup, lui, avec mon père, ressortent pour ranger la voile et s'occuper pour traverser le grain. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des choses qui font que le bateau se renverse. Mmh. Et du coup, on a des lames de 7 mètres, enfin de 4 mètres. Alors les lames, c'est les vagues. Ouais. Et du coup, le bateau tanguait énormément. Et je me souviens de mon parrain qui nous racontait des histoires et qui commençait à chanter pour nous faire déstresser, pour pas c'est qu'on voit. Ouais, pour pas ah, c'est trop mignon. Alors que lui est probablement se chie dessus. C'est le mec courageux qui était là, ça va bien se passer. On va mourir. Non, mais parce qu'en fait, c'était ultra stressant parce qu'on était dans la pièce à vivre du catamaran. Donc, c'est la pièce où on voit tout le devant du bateau. Et en fait, il y avait les vagues qui passaient au-dessus du kata, tu vois. Genre, t'avais vraiment les vagues qui passaient. Qui c'était la kata. C'est... Ouais, wow. Bien. T'es poète aussi, toi? Ouais. Non, pas du tout. Et du coup, voilà, j'avoue que c'était une des pires expériences de ma vie parce que, ayant peur du fond, quand tu traverses une tempête de ce niveau-là, elle a duré bien 30 minutes. Clairement, t'allais crever. Ouais, clairement, ouais. Clairement. Et bien 30 minutes, ouais, et après ça s'est atténué doucement, mais ouais, j'ai le souvenir de mon parrain qui... C'est là que t'avais vu les dents de la mer avant d'y aller, en plus ? Ouais, c'était là où j'avais vu les dents de la mer, en plus. Oh ben, qui s'allume un bon gros joint de famille. Non, je rigole, il rallume une bougie, rien d'illégal comparé à d'habitude. Encore de la mauvaise langue, putain. Putain. On finira cette anecdote. J'espère qu'il n'y a pas des enfants qui écoutent. Non, ils sont... Non. Est-ce que tout le monde a plus de 18 ans ? Oui ! Levez la main. Ah bah très ouais bah oui moi aussi. Et bah on vous voit pas. Ouais on ne voit pas, on ne voit rien. Ok, effectivement ça doit être angoissant en fait. Ah de ouf, c'était angoissant. Ça doit marquer un truc comme ça. Et du coup maintenant à chaque fois que tu prends le bateau tu dois petite appréhension non un truc. Ah ouais. Déjà j'ai un mal de mer assez incroyable. Ah ouais. Mais par rapport à ça ou de base? Non de base. Okay. Mais du coup non j'ai toujours une appréhension et c'est assez affreux ouais. On va dire. Donc, ok. Donc ouais, la tempête a duré 30 minutes et après ça s'est calmé, mais... 30 pires minutes de ta vie. Ah ouais, les 30 pires minutes de ma vie. Hein. Je me voyais déjà le bateau renversé, genre j'étais là... Morte directement. Ouais, mais du coup, ouais, j'ai fait des cauchemars par la suite en m'imaginant le bateau me renverser. Ah ouais, c'est vrai. Seule dans l'océan. Tu revoyais à chaque fois la scène et tu te disais comment, de quelle façon horrible vais-je encore mourir. Les enfants, ils font des cauchemars horribles. C'est vrai, mais quelle idée aussi. T'es un petit gosse, tu demandes rien, t'es encore, tu sais, innocent dans ta vie et ton cerveau fait. Il y a des enfants qui m'ont raconté des cauchemars, mais des fois, je me dis, mais et le pire c'était que c'était à 2 jours de mon anniversaire. C'était à 2 jours de mes 10 ans. Je me suis dit, ouais, ça y est, je vais mourir avant mes 10 ans. J'aurais même pas eu de cadeau, putain. J'aurais même pas passé la dizaine. Ça aurait pu être le jour de ton anniversaire. Ouais. T'imagines mourir le jour de ton anniversaire. Non. Le jour du passage à l'âge à 2 chiffres. Ouais, putain. Ouais. Non, mais ça, on est d'accord. Ça va, on n'aura jamais franchi. Ils se sont bien rattrapés sur mon passage à 2 chiffres. Moi, j'étais un adulte à ce moment-là. Alors, mais petit truc. Moi, j'ai fait on parlait de rêve de cauchemar d'enfant. Ouais. Moi, j'ai fait le cauchemar de base d'enfant qui est mignon. Parce que j'ai fait un cauchemar où je rêvais que j'étais à l'école et en fait, la maîtresse. Bah, c'était une sorcière. Et oui, ouais. Parce que c'était vraiment le cas. Bah, est-ce que c'était Madame Metz de la dernière fois? Non, c'était pas la même. Celle avec qui tu voulais qu'il y ait des bails, mais il n'y en a pas eu. C'était elle, non? Bah, elle, oui. Mais... Gros big up, madame. Vincent fantasme sur vous. Non, mais. Aka à la bonne. Moi, je fantasmais sur le prof de sport. Tu te souviens? Ok, Marley. Très peu étonnant pour une bonne idée. Attends, quoi? Le prof de sport, ok, Marley, le gymnaste? Monsieur U? Mais non, pas monsieur U. Ah oui, je m'en souviens. C'est bien, tu t'en souviens. Il avait 22 ans. Même. Actuellement, un contre-podcast directement. Ah oui, alors là, vous pouvez les retrouver sur Histoire de filles FM. Ok, bon, pendant un an. Première étape hall, ensuite anecdote et petite soirée shopping pour finir, terminer. Tellement pas nous. Et tuto make-up. Tellement pas nous. Pas podcast, ça va être compliqué. Vous voyez, vous faites exactement ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on pourra on dévie du sujet. Là. Oui, effectivement. Ça dit pas quoique le maquillage est aussi une forme d'horreur. Oui. Oh, envers la beauté. Maquiller... Madame la poète, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Inch'Allah. Voilà, Rob, peut-être ton anecdote, on peut faire un petit passage. On va changer de registre. On va parler des trucs qui font un peu plus peur, genre un truc un peu bizarre. Genre, alors j'étais une fois, je dormais chez des amis à mes parents. Eux, ils étaient genre des pratiquants musulmans. Et ce genre de gens, ils croient un peu dans les esprits, dans les djinns. Ouais. Vous savez ce que c'est les djinns? C'est les mauvais esprits. Mais je crois que c'est pas seulement les mauvais esprits, c'est tous les esprits. Hein. Tous les esprits, ouais. Tu vois. Mais croyez dans ça. Et crois qu'il existe et tout. Et une fois, j'étais chez cette famille. Bon, ils étaient genre à 6-7. Enfin, moi, j'étais une équipe de foot, quoi, de futsal, on va dire. Le mec, quand il arrive chez quelqu'un, il fait « Ok, ils sont 1, 2, 3, 4, là, c'est bon, on peut faire une équipe. » Le défenseur, lui, là, le gabarit. « Oh, ouais, toi, tu viens !» Ouais. Le gros gardien, direct. Et puis, ou le grand. Il y en a une qui était, on va dire, fiancée. Et puis, genre, qu'elle avait un... Elle habitait dans un appartement et sa voisine, elle l'aimait pas. Du coup, elle a sauté, elle a jeté un sort devant sur son palier, sur la porte d'entrée. Juste elle, sur la porte. Oui, et elle a marché dedans. Du coup, elle a été possédée. Du coup, apparemment, il y a un djinn genre qui l'a possédée. Ok. Et ça se manifeste comment ça? En fait, j'étais dans la pièce. Genre, tu l'as vécu en vrai? Ouais. T'étais là? Genre, j'étais là. Elle était dans le dans sa chambre. Et ils sont allés la réveiller. Il faisait comme ça, genre, vas-y, réveille-toi. Genre, il voulait la réveiller pour qu'elle se lève, parce qu'elle dormait quand même, genre, à 4h d'après-midi. Okay. Et puis, elle ne se réveillait plus. Il avait le réveil, et là, il commence à voir, genre, ici, son cou, il devenait bleu. Genre, il est en train de s'étouffer. Et juste ce qu'eux, ils ont dit, c'est que, genre, le djinn est en train de l'étrangler. Et du coup, ils ont commencé à la frapper et tout, jusqu'à qu'elle se réveille. Et là, ils ont appelé un imam qui est venu. Attends, c'est une... Clairement, c'est eux qui l'a battu après. Alors, c'est ça, la histoire. Franchement, je me doutais bien. On sait pas, il y a un démon. Il y a un démon qui l'a tapé, frérot. Et puis après, ils ont ramené un imam le soir pour qu'il, genre, pour qu'il lit... Enfin, l'imam, c'est un prêtre, hein, mais en musulman. Ouais. Pour lire, genre, des... comment dire? Des sourates. Ouais, voilà. Ouais. Oh, bien joué. Putain. Et attends, je suis cultivé. Je suis culturé, même. Machallah, frère. T'es culturiste? Ben, Starfoula, mon ami. Ça veut rien dire, mais bon. Et, la culture, et puis il a commencé à lire, et moi je le voyais, ça franchement, ça par contre c'est vrai, je le voyais en train de crier, la meuf, genre elle sautait dans, comme ça, elle criait pendant que lui, genre il disait sors, ça je l'ai vécu, pendant qu'elle disait sors, sors, genre elle crie, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu le vis, ça va être bizarre. C'est quoi ce pays, c'est quoi ce monde, c'est quoi ces gens, tu vois? Et moi je crois pas dans ça, jusqu'à aujourd'hui je me dis, mais c'est un problème, juste elle dans sa tête, elle était possédée, tu vois, et puis... Elle a dû prendre un coup dans la tête. Et puis du coup... Un coup de ses parents qui ouais, frappé. Après moi, on m'a enlevé de la chambre. Genre, on m'a mis dans une autre chambre avec les autres qui regardaient. Parce que genre, toute la famille qui regardait, hein, ils étaient tous là en train de la voir. Regarde chérie, elle fait une émission de télé très intéressante. Ah bah, elle mord le chien là. Et puis, genre, après, elle s'est calmée. Et puis, elle dormait dans la chambre. Et là, elle se réveille. Elle va dans le salon pour voir son fiancé. Elle le trouve en train de se branler sur un film de cul. Super. Pardon. Je vais peut-être biper ça. Non, c'est bon. Ouais, elle a surpris son hlel. Son hlel en train de toucher son skeg. Je suis pas un rouillard, moi. En train de voilà, se toucher sur un film, on va dire. Et là, elle le regarde, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout? Mais genre, pourquoi tu regardes ça? Blablabla. Elle regarde, elle dit, mais t'es possédé, je peux pas te baiser. C'est tout ce qu'il a gagné, le gars. C'est pas mal. Ouais, genre, il était vraiment rien à foutre. Mais toi, t'étais là? Non, ça, j'ai entendu le lendemain parce qu'elle a raconté au jouet. Moi, moi, j'étais petit, du coup, tu sais, elle racontait tout, elle s'en foutait. Okay. Oh putain, c'est magique. J'étais là, waouh. Genre, le gars, il s'en foutait qu'elle soit possédée ou pas. Lui, il voulait juste baiser, mais vu qu'elle était possédée, il pouvait pas. Il avait peur que le djinn, genre, il rentre de son truc via. Un DST? Un djinn sexuellement transmissible. Yes, c'est trop et bien. Et pas un devoir surveillé sur table. Table. Sur table, yes. Et puis, après, ce jour-là, je suis rentré et puis je suis plus jamais revenu. C'est pas étonnant. Ouais. Ok. Waouh. Putain, tu t'en souviens vraiment bien, quoi. Et t'as vécu vraiment le truc. Ça doit être marquant, je pense. Mais est-ce que tu rappais déjà à l'époque? Je rappais? Ouais, tu rappais? Bah, en fait. Je faisais de la danse classique. J'en étais sûr qu'il serait passé. Non, tu rappais pas. Mais mec, j'avais 10 ans. Mais alors, tout le monde avait 10 ans, en fait. C'est un âge marquant. Mais le pire, c'est que mon... Yes. Je parlais pas anglais à ce moment-là. J'ai appris l'anglais ici. Ah oui? Bah ouais. Okay. Avec le français en même temps. Putain, c'est ouf. Merci. Mon rey. Belle histoire. Je viens de te faire un bisou. Clairement, ouais. Avec la langue, c'était... déstabilisant. Presque trop bien. Du coup, ça va être le tour de l'ami Vincent, qui va nous régaler encore, quand bien même on a mangé littéralement 3 kilos de bonbons et une pizza. Yes. Exact. Beaucoup trop de choses. Ça, c'est une anecdote vraie, pour le coup. Oui. Mais j'ai pas encore parlé de mon anecdote. Mais je parlais de la pizza. Allez, c'est à toi, mon frère. Ah, yes. Go. Eh bien, en fait, moi, je vais vous raconter un cauchemar. Cuisine non, je suis pas Gordon Ramsay. Oh, ni Echtebet. Ni Philippe Etchebest qui était à Strasbourg. On dit comment? Philippe Etchebest. Etchebest. Ouais. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Elle est amoureuse de lui. Franchement, comment? Mais il est rugbyman. Mais il est moche. Ouais, mais il est viril. Alors quoi? C'est parce qu'il est rugbyman? Il est rugbyman. Ça, c'est un argument. Certaines personnes doivent. Non, franchement, respect, respect. J'avoue, les oreilles. Parce que ce qu'il a fait et tout, ok, genre, c'est pas mon style. Ok, mais. Mais enfin, vous faites du pied, monsieur Weigel. Ben non. Si, clairement. Mais, voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui l'aiment, dont ma mère. Oui, mais clair. Dans ta mère? Dans ma mère, genre, à l'intérieur. C'est vraiment gênant pour le coup. Madame Roberto, on vous embrasse, bien sûr. Madame Roberto? Bah, comment elle s'appelle, ta mère? Madame Bazooka? Oui, mais je l'avais pas. Mon autonomie, c'est pas Roberto. Oui, bah, Madame Bazooka, alors. Non, il s'appelait bah, comme ça sur Facebook, bref. Ouais. D'ailleurs, très bon choix, Bazooka, pour quelqu'un qui vient du Liban. C'est vraiment le meilleur choix. Je voulais vraiment marquer le coup. Et ben, on peut dire que t'as explosé les scores. Oh, oh. Alors, Vincent. Bah non, c'est bon. Super, bah moi j'en ai. Allez, à toi. À toi, on attend. Non, je disais, c'était un cauchemar, en fait, que j'ai fait quand j'avais, je crois, 11-12 ans. Et pas 10 ans, comme tout le monde. Ah merde, dommage. Et en fait, j'avais rêvé que j'étais chez la famille de mon père avec mes parents et que tout le monde fumait dans la pièce. Et, fumait quoi? Fumait une cigarette. Ah. Tout le monde, mais tout le monde vraiment fumait. Des gens fumait. Qui fumaient pas de même les gens qui fumaient pas, tout le monde fumait. Okay. Et c'était la pièce était. C'était Paris en fait directement. Voilà, c'était Paris en une pièce. Exactement. Il y avait combien de personnes? Et du coup. Je sais pas, au moins 20 personnes. Waouh. Et puis genre les détails déjà, à fond, tu sais. Oui, mais l'appart, genre quand même. Ouais, la tapisserie, genre à peu près. La tapisserie, c'était Meubles IKEA. Des fleurs. Oh, et, les meubles IKEA, non, les fenêtres. Il y avait trois. Oh là là, je sais plus. genre la pièce, c'était grand ou petit? Non, pour savoir écoute, le contexte. Rob. Tout ce que je sais, c'est que la pièce était enfumée. Okay. De ouf. C'est pour ça que tu ne voyais rien. Je ne voyais rien. Exactement. Je peux pas répondre à tous ces détails. Et du coup, en fait, ça m'avait tellement dégoûté parce que je détestais l'odeur de la fumée. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, je suis sorti et je marchais un petit peu, quoi, une petite balade solitaire. Et j'ai vu une grange énorme et je sais pas pour quelle raison, mais j'y suis allé. Du coup, je suis entré dans la grange. J'ai fait un petit peu le tour et là, au bout d'un moment, je vois un gars. Vraiment, les pièces de la grange étaient énormes et je vois un gars qui était au fond, debout, tête baissée, habillé en fermier et son visage, on le voyait pas en fait. Il était vraiment dans l'ombre. C'était dans la journée, mais vu qu'on était dans une énorme très sombre, grange, très sombre, c'était très sombre. Putain, c'est flippant ça. Parce que même la journée, quand tu vois pas le gars, tu dis waouh, c'est chelou. Et du coup, je me suis dit waouh, c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai commencé à aller en arrière. Je suis revenu dans la pièce d'avant. Et il était toujours là, au fond de la pièce. Et en fait, du coup, je suis parti en courant. Et dans toutes les pièces où j'allais, il y était. Et en fait, la grange était devenue un énorme labyrinthe. Toutes les pièces se ressemblaient. Et ça faisait extrêmement peur. Du coup, au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver la sortie. Et j'étais sur la route. J'ai couru vraiment, mais de toutes mes forces. Je me suis retourné une fois et j'ai vu que le gars était derrière sur la route. Il te coursait ou il... Non, il était toujours... Il se téléportait, genre. Oui, c'est un peu comme la poupée avant. Exactement. Ouais, et du coup, j'ai couru de toutes mes forces et je me suis réveillé à ce moment-là. Et anecdote vraie, j'étais en sueur dans mon lit, mais vraiment, mon lit était trempé de sueur tellement j'avais... Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai bataillé en fait, pendant la nuit. Ouais, clairement, c'est ça. Oh là là. Clairement. C'était tout chaud et ça sentait la pisse. Je me disais bien que c'était beaucoup pas d'indices la sueur. Quand même. Encore comme la fois, à chaque fois qu'on t'invite et que tu racontes une anecdote, tu te pisses dessus. Je vous ai raconté la fois où mon chien m'a pissé dessus. En fait, vraiment, à chaque fois. D'ailleurs, ça me fait penser juste à une petite anecdote toute rapide. Une fois, je dormais et j'ai rêvé que quelqu'un me coursait. Il m'a planté un couteau dans le dos. Ok. Genre, comme et tu ça. T'es réveillé, t'avais un couteau dans le dos. Et en fait, ouais, non. Et genre, oui, je commençais à sentir chaud. Okay. Chaud, genre vraiment d'un coup, chaud partout. Et là, je me réveille et en fait, genre ma main, elle était sur un sert de truc pour chauffer, on va dire, la chambre. Ah, d'accord. Tu sais, non, ouais, mais c'était un vieux truc. Ouais, qu'on mettait au milieu de la chambre et puis genre on mettait un poil. À l'intérieur du gazon, un truc comme ça, ouais. Et puis t'as l'air qui sortait. Ouais, et ma main, elle était dessus en train de cramer. Et genre, heureusement que le mec m'a planté, parce que sinon, bah... Mais à mon avis, c'est ça, genre, ouais. Inconsciemment, ton cerveau, il a envoyé une douleur et tu l'avais comme ça, je pense que c'est ça. Ouais, c'est putain, sûr. C'est fou, ouais. Le subconscient, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Bah écoute, mais j'aimerais juste savoir si ça vous est déjà arrivé, vous, pendant un rêve, un cauchemar, qu'en vous réveillant, vous soyez vraiment transpirant et tout. Ouais, bah, mec, ouais, ouais. C'est incroyable que tu poses la question parce que c'est la transition que j'allais faire pour mon histoire. Car vraiment, je suis. En fait, tu m'as ôté les mots de la bouche. Exactement, car moi aussi, c'est la fin de mon histoire, mais bon, bref. Et c'est incroyable de se réveiller en sueur de ouais. Ouais. que physiquement ça te fasse quelque chose, ouais, alors que alors c'est tous tes muscles qui c'est sont même crispés, ouais c'est exactement ouais, ça ouais. T'es crispé et tout, c'est incroyable, crispé, c'est, ouais, c'est t'es raide et tout, t'as l'angoisse et tout, ouais. C'est terrible, c'est terrible, alors tu mets au moins 10 minutes à t'attendre, ouais c'est ouf, ouais c'est ça, incroyable, incroyable, c'est ultra flippant. Du coup, on va terminer avec mon histoire, qui honnêtement est à peu près semblable à celle de Vincent, en fait. J'avais à peu près dans le même âge que vous tous, donc 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus jeune, parce que j'étais vraiment terrifié pour tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai rêvé que je me suis je me réveillais dans une maison, tranquillement. Donc, il faut se mettre dans la tête d'un enfant de 10 ans, ok ? Tranquillement, tu t'endors comme ça, demain, il y a école, t'as ton cartable qui est prêt, tout. C'est faux, je ne le faisais jamais. Et du coup, tu t'endors dans ce litre, voilà, t'es le monde des rêves. Et tu te réveilles. Tu dis incroyable, sauf que tu te réveilles dans ton rêve. Et qui est-ce qu'il n'y a pas en face de toi ? Un tueur bien vénère qui veut te faire la peau. Et là, directement, le rêve part mal. C'est très, très mal engagé pour l'équipe à domicile, bref. Et du coup, au moment où il veut me choper, comme dans les films d'action, tu vois, j'arrive à filer sous son bras et je détale dans les escaliers et tout, dans une vieille maison qui grince et tout. Et genre, je me cache sous un lit à l'étage d'en dessous et j'entends le gars qui arrive. Alors, pas par pas, tu vois, sur le bois qui grince, tu vois, et à chaque fois ça grince, ça, les sueurs froides dans ton dos, tu vois, le frisson, c'est terrible. Et moi j'étais là, mais je vais mourir, non, je suis encore trop jeune. Enfin bon, bref, et j'étais sous mon lit, vraiment, enfin la pire cachette, puisque c'est là que les gens se cachent en fait. Donc je me mets à la place d'un tueur, il doit se dire. Oui, bah, c'est sûr, vraiment. J'ai vu entrer dans la pièce, il y a rien, il y a pas de meubles, il y a juste un lit. Il y a un lit, il y a son pied qui dépasse, il est là, clairement. T'es là ? Oui, bah voilà, t'es là. Bref, et du coup, je suis sous ce lit, et il arrive comme ça, et il est juste à ma droite. Il s'arrête, il fait les derniers petits pas, et il se stoppe. Et là, il met sa main sous le lit, et il l'enlève comme ça, mais vraiment, avec toute sa force, il retourne le lit. Et là, j'en profite, instinct de survie, encore une fois, je me bats. Et je cours, je pars de cette maison dans les champs, très embrumés, tu vois, un truc genre typiquement pleine lune et tout, c'est très... c'est sombre, mais en même temps, un peu... Il y a une étrange clarté, tu vois, c'est sombre et lumineux en même temps, c'est très bizarre. Et du coup, je cours comme ça, c'est dans des herbes immenses, tu vois, super grandes, qui sont plus grandes que toi quand t'es enfant, tu vois. Et du coup, je cours à travers ces herbes et j'entends plus rien. J'entends vraiment plus rien. La nuit absolue. Donc là, la pression, là, littéralement, comme ça. Et j'entends juste le bruissement de l'herbe qui arrive tout doucement, à gauche, à droite, derrière moi. Je me retourne à chaque fois, je fais des trucs. Et au bout d'un moment, il me chope. Il me chope l'épaule, je me réveille. Wow. Et là, j'étais en sueur, mais comme toi, mon gars. La mer directement. L'océan. Tu t'es pissé dessus. Tu peux aussi, le dire. Clairement. Mais 6 fois. Là, il a... Non, mais bref, ouais, c'est ouais. Abusé mais comme. Il y avait pas, ça vous est jamais arrivé aussi où tu veux courir vite parce qu'il y a quelque mais chose qui te court ouais. Et t'as l'impression ouais, que ouais, ouais. C'est abusé. Hein. Ça, c'est vraiment le truc le plus crispant du monde. Ouais, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Le gars, genre, il m'a attrapé parce qu'il avançait ouais. Et moi, je veux courir. Mais ça marche. Putain, j'arrive pas à courir. C'est ça. Ça c'est horrible. C'est incroyable. Mais, mais les rêves, c'est incroyable. Ma soeur, elle avait un rêve récurrent pendant des années. Enfin, un cauchemar récurrent. Ouais, récurrent. Elle rêvait tout le temps de ça. Ah ouais. De ça, ma mère qui mourait dans la maison, mais dans un incendie, mais toujours la même chose. À chaque fois. Ça, c'est un jean. Pendant des années, elle a rêvé de ça, mais la même chose. Mais est-ce que au bout d'un moment, elle s'en rendait compte pendant son rêve ou quelque chose ? Mais oui, mais à chaque fois, elle essayait de changer la fin, mais elle n'y arrivait pas. Ça veut dire qu'elle était quand même consciente et tout. Mais ça existe, genre, c'est un demi-rêve lucide. En fait, les rêves lucides, c'est possible. Ouais, c'est même. Mais tu peux t'entraîner et tout. Ouais. Mais je crois que ça vous est jamais arrivé ça d'être dans votre rêve et oui, de dire moi, ça m'est c'est un rêve, ça, ouais. il faut que tu peux faire ce que tu veux. Généralement, moi à chaque fois que je faisais ça, je me réveillais peu de temps. Ouais, pareil. Genre je me dis oh putain, j'ai les cheat codes et tout et bam. Moi je me suis dit trop nul. Game over. Mais non, des fois j'essaie de rester dedans. Quand je me rends compte, mais c'est trop chaud. C'est trop chaud, hein. Ouais. Tu sais, t'es happé par la réalité, c'est trop bizarre. Ouais, comme si les deux mondes. C'est Inception, tu sais. Ouais, parce que tu sais que tu peux faire plein de Inception, choses. Inception, c'est un peu ouais, plus c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais une fois, il y avait un truc où genre des gens me coursaient, étaient dans une guerre et tout, je voulais me choper. Et du coup, parce que j'avais joué juste avant à Counter-Strike, je sais pas si vous connaissez. Ouais, tu vois ça aussi. Mais quand est-ce qu'on joue à Counter-Strike? Ouais, les gars. Et en fait, c'est un jeu de guerre. Et du coup, j'avais rêvé que j'étais dans le game. Et quand j'arrive, bah, je voulais sortir et bah, j'ai appuyé, genre, c'est comme si j'étais dans la fenêtre. Ah ouais, et tu fermais le jeu. Et j'ai appuyé exit, ouais, et je me suis réveillé à ce moment-là. Moi j'ai fait littéralement... En fait t'étais gamer pro aujourd'hui. Moi j'ai fait littéralement un rêve où je me suis dit... Mais non, mais c'est pas possible, ça, ça, c'est un cauchemar. Mais oui, c'est un cauchemar. Et là, je me suis réveillé. C'est vrai, ouais, ouais, ouais, ouais, moi, t'imagines, t'arrives face au tueur, vous êtes un cauchemar. Oh, merde. Oh, non. On est fait de surprise, enfin. Et pouf. Moi, par contre, ça m'est arrivé de faire un cauchemar, mais je sais pas comment dire, je l'ai tourné à mon avantage, c'est-à-dire que c'était un cauchemar où il y avait une invasion de zombies. Et ben, au lieu d'avoir peur, je m'amusais à tuer les zombies. Genre, ça yes. Voilà. Stylé. C'est glauque, mais voilà. Mais à la fois, marrant. Du coup, j'avais pas peur. Voilà. Putain, vous avez vraiment des rêves tous ultra stylés, c'est stylé. Bon, sauf ta sœur qui. Ouais, ouais, ça, ça doit être chiant, ouais, ça, pendant des années, genre. Non, écoute, moi, c'était pas stylé, c'est juste que je me. Ouais, pendant des années, ouais. Mais okay. C'est ça le truc, c'était récurrent, tu vois. Genre, c'est ça qui fait peur. Ouais, mais comme ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ouais, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Mais quand je te dis récurrent, elle rêvait pas ça toutes les nuits, tu vois, mais genre. De temps en temps. Déjà, tu fais deux fois le même rêve, c'est. Non, moi, ça va pas arriver, ça. C'est juste une fois où genre ils ont tué ma famille pendant que j'étais dans la chambre et là je me suis réveillé en criant. Ah, tu me l'as raconté ça. Je crois, je me suis réveillé genre en criant, genre, wow, comme ça. Ah. Je suis réveillé, j'étais là. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Ouais. Eh bien, que d'épouvante, que de frissons, que de peur en cette belle soirée d'Halloween. C'est faux, on n'enregistre pas à la soirée d'Halloween, mais on vous l'offre si vous ne faites rien pour la soirée d'Halloween. Nous, on sera pro. Alors, le programme actuel, c'est vraiment juste de sortir dans la rue et de crier sur les bons conseils d'Europe. Donc, c'est ce qu'on va faire finalement. On va sortir en étant costumé. En étant costumé, bien évidemment. Pour terminer ce podcast, je propose. Voilà, vu qu'on est fourni. En bonbons de tout genre, on a des malabars avec quelqu'un. Des carambars. Avec des carambars, quelqu'un n'a pas mangé le sien, c'est immonde. Qui a fait ça? C'est moi. On a un carambar fondu, c'est dégueulasse. Émilie, tu le prends. Tu le manges. Ah non, non, c'était avec ignoble, avec le papier d'œuf. Donc on va tous lire quelques blagues, alors de qualité, puisque c'est quand même carambar, il faut le rappeler, hein, ce sont des maîtres de l'humour. Et on va. Très peu. Voilà, très peu, très peu. Et voilà, on va tous essayer de décompresser et de faire oublier l'urine qui coule entre nos jambes. En tout cas, c'est le cas. S'il vous plaît, je peux avoir une autre. Oui, bien sûr. Tiens, pourquoi elle est nulle? Ils sont tous couvés? Parce qu'on l'a déjà fait. Ah, c'est vrai. Moi, j'en ai une qui est en rapport avec la soirée. Puisque tout le monde a des. Ouais, non, en fait, je peux essayer. Si je dis tout le monde a des quelque chose, vous serez spoilé. Des morpions, c'est ça le. Non, c'est pas ça. Ah. Parce que toi, t'en as des morpions? Non, pas du tout. Ouf, tu me rassures. Moi, j'en ai une qui est très sympa. Alors, quel est le comble pour un kangourou? Quel est le quoi? Le comble pour un kangourou. D'avoir trop de sous dans ses poches. Des trous dans ses poches? Non. Un comble pour un kangourou? Ouais. De se faire boxer? Non. Non, je sais pas. D'avoir des poches sous les yeux. Oh, oh, oh. J'avais un quart, je suis nul. je suis nul. Ok, qui suit sur ce magnifique blague? Elia, je te sens inspirée. Ouais, écoute, je suis en train de regarder lesquels sont les meilleurs. Il y en a très peu, c'est alors, la 40 par moi, j'en ai une. Quel est le comble pour un footballeur? D'être payé des millions et de ne pas marquer. Ah non, c'est la réalité, ça, pardon, ça, désolé. Ça, par contre, oui. Pour alors, un footballeur personne. Ouais, pour un footballeur. Attends, faut laisser une chance au footballeur. Ouais, parce que c'est bon, je laisse là, j'en ai une chance au footballeur. Attends, Vincent, le comble pour un footballeur? Vincent, Rob, épatez-nous. Quel est le comble pour un footballeur? Je n'aime pas le foot. Je rigole. Mais. On aurait été deux, dommage. Le comble d'un footballeur? Du coup, il n'y a rien qui nous lie, Rob. Je ne sais mais pas. Mais quoi? Il y a l'amour? C'est vrai. Alors, on s'égare. Est-ce qu'il se passe la nuit? C'est vrai. Dans le lit? C'est vrai. Toi et moi au bout de la nuit? C'est vrai. Et là, tu vois, quand t'auras percé, que t'auras des millions de dollars, on va ressortir ça et ta carrière sera finie. Merci. Bah, je m'appelle Mohamed en fait. Mohamed. Mohamed, yes. Du coup, le je sais pas. Pour un footballeur, c'est de ne pas avoir de but dans la vie. Ah. Ouf. Bah, c'est triste. Et ben, le. Voilà. Le but de cette blague n'était pas de rire en tout cas. Ok. Quelle est la différence entre une mouette et un goéland? Je sais pas, elle crie différemment. Il y a pas de blague. Le mec ultra premier degré. Bah, anatomiquement parlant, déjà, c'est pas. Clairement, l'envergure est différente dans le cadre. Oui, voilà. La couleur aussi. Oui, clairement. Et puis elles ont pas le même environnement. Oui, voilà, on les trouve pas au même endroit. Déjà, un goéland, mouette, c'est pas le même mot. Donc, déjà. Écoute, je sais pas. C'est quoi? Ok, ben la mouette. Attends, on a une spécialiste de la biologie, on l'appelle. Pas la biologie animale. Hein. Oui. Humaine seulement? Bah ouais. Ok, bah, je sais pas, peut-être que tout passe. Okay. Du coup non. La moitié est rapide et le go est lent. C'est, en tout cas, ça met du temps à arriver au cerveau là. vas-y, ça c'est le défi. À chaque fois, on doit rebondir sur la blague et faire un jeu de mots. Super. Pour l'instant, on est à 2 sur 2, nickel. Ok, donc pourquoi. À toi, Rob. Pourquoi ne faut-il jamais raconter d'histoire drôle à un ballon? Parce que sinon, il va se rouler par terre. Non, éclater de rire. Parce qu'il faut que. Oh, tu la connaissais. Oh, non. Je le jure, non. C'est lui tout seul. Réellement? Non, réellement, j'ai jamais entendu. Okay. Ou peut-être je m'en souviens plus. Mais Ouais, c'est ça. Je vais organiser des espions russes. Dis que tu es menteuse. Non, j'ai rien dit. Tu l'insinues toi-même. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il est menteuse si tu l'insinues toi-même? C'est toi qui l'insinues. Allez, toi, qui n'a pas encore parlé? Moi? Attends, bah oui, toi. Ah merde, j'ai la question mais pas la réponse. J'en peux plus de manger des carambas. Oui, c'est terrible, vraiment. J'imagine une question et une autre réponse. Attends, je finis juste. Bah non, vas-y, j'ai que découpé. Donc c'est j'ai une question et une autre réponse. Mais ouais, quel est le comble pour un sumo? Mais la tuyauterie. Quel est le comble pour un cheval? Un chou marin. À quoi? Ah, mais bien sûr. Non, pas du tout. Okay. Ah, ils sont là. Non, ils sont là. Ok, comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture? Un chapin de Noël. Oh, merde. Attends, tu connais ça? Je la connaissais. Attends, mais quoi? Un chat tombé dans un pot de peinture? Le jour de Noël, c'était un chapin de Noël. Ah, oh, j'en ai une bien qui m'était dit ça. Ouais. Elle est bien. Ok. Comment appelle-t-on... Attends, par contre, il faut connaître un peu l'accent alsacien. Donc, je peux vous le faire un peu, ça ressemble un peu à l'accent allemand d'ailleurs. Ok, voilà. Ça m'a fait l'accent d'Hitler. Vas-y. C'était clairement allemand, mais on rappelle que l'Allemagne et l'Alsace... Non. Alors, si. quel est l'animal alsacien qui peut lire l'avenir? C'est un truc avec l'accent, du coup? Yes, mais alors... Qui peut lire l'avenir? Ouais. Je peux dire la réponse. L'animal qui non. Un dauphin. Dauphin. Dauphin. Oh, il y a de l'idée. Mais pas du tout. Okay. Un coq en verre. Non. Vous comprendrez pourquoi elle a dit ça, un coq en verre. Non, c'est une poule de cristal. C'est comme la blague des sables. Elle est bien. Il y a marqué SP sur un ça brûle. Voilà, c'est ça. Des uniformes de pompiers. Ça brûle, ouais. Et sinon, et pourquoi PF sur un corbillard? Pont funèbre. Non, ben pont foyage. Ah oui. Pont foyage. Pont foyage. C'est horrible. Ils sont cons, ces Alsaciens. Ben non. Je vais me faire plein. Il y en avait un troisième. Rigole, on vous adore les Alsaciens. Je suis Alsacien aussi, donc j'ai le droit de. Le sketch, c'est un des inconnus sur les Alsaciens. Ouais. Ah ouais. Ben le sapou, il vient de là, non? Je ne l'ai pas vu. Ça, t'as pas vu l'inconnu? Oh non, c'est vraiment drôle. Avec le chômage. Ouais, mais je regarde. Bizarre. Qu'est-ce qu'il dit quand tu vas voir une prostituée portugaise? Oula, ça c'est vraiment pas une blackout là. Attends, une prostituée portugaise? Ouais. Quand tu vois, genre t'arrêtes de. Ah, je crois. Genre tu t'ouvres le truc et puis genre tu vas lui parler et puis du coup elle te pose la question. C'est un truc avec des poils? Non. Avec le fait qu'elle est poilue? Non. Non. C'est un truc forcément avec de la maçonnerie, non? Genre construire des murs, c'est sûr. C'est sûr, c'est ultra cliché. Comme ça, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'une prostituée? Ils sont dégueux, ces carambars bleus. Ah oui, clairement dégueulasse. Ouais, c'est bon. Déjà, tu manges du bleu, alors... Ouais. Enfin, déjà, ça colore la langue du bleu. T'as dit la pipe, l'amour, la fenêtre. Oui, ça, je l'ai entendu. Ok, pas mal. Elle est mignonne et un peu trash, c'est marrant. Oui. On aime bien les bleus trash. Qui en a une autre? Quel métier les chiens peuvent-ils exercer? Un métier pour un chien, quoi. C'est vraiment chien nul. Maître. C'est vraiment chien nul. Chien. Ok, je vous donne un indice. Ok. Genre, c'est un métier par rapport à l'électricité. C'est facile. Un chien lampe. Électricien. Non. Électricien. Oh, c'était un indice très facile et t'as même pas réussi, en désolé. Misk. Hello, c'est pas grave. Smile, friend. Non, mais c'est bon. Ça va te rattraper pour la prochaine fois. Ok, vas-y, j'en ai une. Vas-y. Quel point commun y a-t-il entre un arbitre de foot et un déménageur? Oh là là, il rigole tout seul. Il sort des cartons. Ouais. Ouais, bah Black Armour. La même chose toujours. J'en ai une, mais j'ai pas compris. Si vous pouvez m'expliquer. Waouh, ça va. Ou alors commenter, s'il vous plaît, dans le podcast. Si vous avez compris. Dans une boulangerie. Bonjour, je voudrais un jambon beurre, dont un sans beurre. Très bien, mais lequel? Je voudrais un jambon beurre, dont un sans beurre. Très bien, mais lequel? Lequel sans beurre, parce qu'il y en a deux qui sont... Non, il n'y en a qu'un. Non. Mais sauf que l'autre, il dit... Enfin, sauf que la réponse, c'est dont un. Donc après, l'autre, il insinue qu'il y en a deux. Et du coup, après, je crois que c'est la... Ça non, en fait... Moi, c'est non, en fait, c'est juste que la boulangère... Putain, j'ai eu zéro. C'est juste que la boulangère est bête. Et donc on rit de la bêtise de la boulangère, ouais, parce que... puisqu'elle dit lequel sans beurre, alors qu'on s'en fout. Ouais, c'est ça en fait. On s'en fout parce que les deux avec beurre, du coup elle dit oui. Non mais franchement, désolé, mais à partir du moment où tu expliques à ce point ta blague, c'est qu'elle c'est est que, ratée. C'est que franchement elle est ratée. Vraiment, carambar, nul. Je vais vous tweeter, ça va mal aller. Je vais dénoncer, moi j'ai un blog. Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas? Un frisbee. Un bâton. Le gars qui balance un bâton, qui attend comme ça. Bah allez, si, le chien il le rapporte là. C'est la troisième fois que je l'ouvre et la troisième fois que je tombe la même blague. C'est vrai. Le truc du ballon. Moi j'ai des blagues très nulles, j'ai même pas envie de. Que font allez. Deux plantes qui se rencontrent? Que font quoi? Deux plantes qui se rencontrent. Elles tissent l'amitié. J'en sais rien. Je sais pas. Elles profitent de la photosynthèse commune pour grandir ensemble de manière plus forte. Photosynthèse bien placée. J'approuve. Yes. Mais du coup, c'est pas ça. Elles germent ensemble. Par rapport au pot. Elles prennent racine. Ah oui. Non, elles. Franchement, il y avait. Franchement, oui, ça aurait pu. Putain, j'avais pensé au pot. Elles vont prendre un pot. Ok, d'accord. Oh, trop chou. Ou quoi? Mais peu drôle. Attends, moi j'en ai une, elle est vraiment. Ah, vraiment, attention. Mais vraiment. Et Léa, elle est on fire là. Nul. Ah, mais non. Tu vois là, l'esprit de l'humour dans ses yeux là. Nul. Tellement, putain. Que fait un jardinier quand il ment? Attends. Un petit indice. C'est avec des légumes. Des légumes? Yes. Quoi? Il ment avec des légumes. C'est presque. Quoi? Des carottes. Ok, alors. What the fuck, c'est quoi cette blague? Que fait un jardinier quand il ment? Il raconte des salades. Oh, oh c'est, ah, c'est d'une logique implacable en vrai. Ils sont forts. Waouh, c'est nul. Quelqu'un en a une? Waouh, je c'est nul. Yes. Pourquoi les sauterelles sont-elles si minces? Parce qu'elles n'arrêtent pas de sauter, je sais pas. Parce qu'elles sautent les repas. Ah. Oh, c'est vraiment la seule réaction. Bah c'est vrai. C'est vraiment le pire flop du monde. Putain mais c'est ouf quoi. Qui écrit ça? C'est ouf. Il y a des gens payés pour écrire ça. Mais non mais je crois que c'est pas des gens qui envoient des blagues et ensuite. Non pas toujours. Il y en a mais. Mais je pense que c'est des blagues d'enfants quoi. Bah oui, il y a moyen que les enfants se fassent pas se ou alors que t'as un peu bu. Moi je vais poser un peu parce que j'ai mal. Oh. Par contre le truc du boomerang là ça m'a fait penser à une histoire vraie. Où c'est un homme qui est allé sur un lac gelé avec son chien et il s'est amusé, il voulait allumer un bâton de dynamite. Ah, ouais. Ah oui, c'est un Darwin. Darwin Award, ouais. Hein? C'est un Darwin, c'est un mec, il est mort trop con, donc il a eu un Darwin Award. Ah ok, bah en gros, je continue à raconter du coup, parce que peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Et du coup, il allume le bâton dynamite, il le jette et le chien lui rapporte. Non, mais je suis et sûr c'est fake. Je suis sûr c'est fake. Non, les Darwin, ils sont pas. Oui, je sais, mais c'est vrai que c'est incroyable les Darwin Awards. Quand tu les lis, tu dis, mais c'est pas possible. Bah, il y a aussi un couple dans qui une pêchait à la dynamite, ils ont pas ouvert la fenêtre et mais abusé. Ça, c'est abusé. Hein. Mais comment tu es. Comment t'en arrives là? C'est abusé quoi. Très, très cool. Moi, je me dis quelque part, cher. Cher. Karma. Déjà, tu pêches à la dynamite. Non, mais est-ce que. Déjà pêché tout court. Ouais, c'est ce que j'allais dire, déjà pêché. Bon, j'ai une petite histoire. Allez, une dernière. Attention, c'est la dernière, c'est la dare des dares. Donc elle a intérêt à être excellente, sinon on va tous être déçus, on va rentrer chez nous. T'as encore. Absolument pas de pression. Bah écoutez, je vais essayer de bien raconter la blague. De rien. Et bah ça commence très mal. alors, le contexte, c'est une femme, une vieille dame d'ailleurs, et un homme qui sont dans la rue. L'homme se rapproche de la dame et lui dit « Excusez-moi, madame, vous n'auriez pas vu un policier dans les parages ?» La dame lui dit « Non, je n'en ai pas vu. » Et l'homme lui répond alors « Il vole son sac. »« Bah, donnez-moi votre sac. » Voilà, yes. C'est nul. Ben, ça va, je suis content, j'ai deviné. Donc moi, ça va, merci. Ouais. On peut tous nous applaudir quand même pour cette belle soirée storytelling. Ouais. Sauf propre, bien évidemment. Non, c'était cool. Quelle était la meilleure blague? La meilleure histoire, pardon. Je sais. Moi, j'ai trouvé très bien. La poule de cristal. Oui, clairement. Et qui n'était pas dans les 40 bars. L'histoire de Rob, c'était la pire. Ouais, elle était plus longue, l'histoire de Rob. Celle avec le... Ah, l'histoire. Le genou, là. Le genou. Le genou. Et puis la petite blague de fesses. Enfin, la petite mention fesses honorable. J'avais le twist, mais en plus, il me l'avait teasé. Il m'avait dit, ouais, elle est effrayante et à la fin, elle est marrante. C'était le cas, bien joué. Moi, je vote pour celle-là. Ok, bah écoute, Rob, tu es élu roi de l'anecdote d'Halloween. Moi, je vote pour moi-même, car j'ai de l'ego. Voilà. Ben, et qui finit le coca aussi. Mais du coup, je gagne quoi ? Non. Tu gagnes notre sympathie, notre gratitude et toute notre admiration. Ce qui est quand même bien. Ça lui plaît très peu, ça lui plaît très peu. Bon, bref. Ouais, ça fait plaisir, je t'aime. Ben, pas moi, puisque visiblement tu ne veux pas rentrer dans la ronde. Bref, donc du coup, on va finir sur ça. On espère que vous avez passé. Quoi, c'est quoi ? Quand même une heure, une petite heure tranquillement. Si vous êtes pas. Mais à chaque fois, ça passe vite. C'est vrai que ça passe. C'est passé vite. Ouais, grave, c'est vrai, passé vite. J'aurais dit 30-40 minutes max. Et du coup, voilà, si vous avez fait un truc ou pas en cette soirée d'Halloween, en tout cas, on espère que vous avez un petit peu frissonné avec nous parce que de notre côté, c'était sympa. Je pense qu'on peut tous le dire. C'était cool. Sauf qu'on a vraiment trop mangé. Non, mais ça va. Ne mangeons pas de bonbons, c'était. C'est vrai. T'as fini les Doritos quand même ? C'est vraiment un podcast. Portez-vous bien. N'hésitez pas à voter vous aussi pour la meilleure blague, la meilleure anecdote. Et ne votez surtout pas pour mon français car je vais avoir une très mauvaise note. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Des gros bisous. À la prochaine. Au revoir. Ciao.